Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Robert Zimmerman, dit Bob Dylan, est un artiste américain, auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, sculpteur, cinéaste et poète. Né le 21 mai 1941 à Duluth, Minnesota, il a reçu le prix Nobel de littérature en 2016. They said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone Plutôt que de retracer pour la énième fois la vie de Bob Dylan, je vous propose un portrait en forme de déclaration rock que le rock critique Jacques Barsamian, décédé en 2024, présentait dans la revue Extra en 1971-1972. Dans son quatrième épisode, il a choisi le plus grand poète de la chanson moderne américaine, Bob Dylan. Un personnage difficile à cerner. Génie, c'est certain. Démoniaque, il en donne parfois l'impression. Alors qu'il est réputé pour l'engagement et la poésie de ses textes, Dylan, dans ses interviews, est rarement loquace. Il s'ouvre peu aux journalistes, qu'il nargue souvent avec des réponses incohérentes ou invraisemblables. Jacques Barsamian s'est amusé à retrouver quelques-unes de ses phrases les plus significatives. Ses citations proviennent des principaux journaux anglais et américains, ainsi que de revues françaises de l'époque, et s'échelonnent de 1958 à 1971. Deuxième partie, citation de 1966 à 1971. 1966. Lorsque quelque chose me tient à cœur, je ne peux cesser d'en parler. J'écris pour les gens qui sont opprimés quotidiennement. Je combats pour la cause des Noirs, ce sont mes amis. J'ai fait ma première fugue à 12 ans. J'en avais assez d'aider mon père à transporter des réfrigérateurs. Je suis alors devenu quelque temps le manager de Big Joe Williams.

could track or chain him down. He was never known to make a foolish move. Je ne participe à aucune manifestation politique. Je suis trop occupé par mes chansons. La drogue ne m'a pas apporté grand-chose. Je parle pour mon propre cas. Il n'est pas dit qu'elle ne puisse apporter quelque chose à d'autres gens. Si je n'étais pas sous contrat avec une firme de disques, il n'est pas dit que je continuerais à composer des chansons et à les enregistrer. Vous écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. 1969. Je déteste me sentir forcé d'enregistrer ou de donner des concerts. Mes nouvelles chansons sont faciles à chanter et il n'y a pas trop de texte à retenir. No reason to get excited. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. All along the watchtower, kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. L'argent n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Je n'en suis pas esclave. C'est vrai que je peux acheter ce dont j'ai besoin. Des vêtements, par exemple, car à chaque fois que je change d'hôtel, je perds mes affaires. La meilleure version d'une de mes chansons, c'est Elvis Presley qui l'a faite lorsqu'il a enregistré « Tomorrow is a long time ». J'ai eu de véritables frayeurs lors de mon passage au show télévisé de Johnny Cash. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind.

j'en dépense une bonne partie et le reste part en banque. En ce moment, j'ai plus envie d'aider John Sinclair que de donner des concerts. Pendant longtemps, j'ai pensé que je ne me produirais jamais sur scène avec un orchestre si ce n'est les Beatles. On ne devrait pas chercher chez les autres des réponses. Mais les temps sont durs, chacun veut être à la fois un leader et être ce leader. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. J'écoute régulièrement John Lee Hooker. Ce mec est incroyable. À mes débuts, je me produisais avec lui au Central Hotel de Broadway. C'était le bon temps. Au départ, je ne voulais pas publier Tarantula. En fin de compte, je pense que c'est un bon livre, que j'apprécie vraiment maintenant. Came to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my brain. The name she bore was Flora, lovely Flora, some pleasure for to find. But she turned on to another man, which so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. And oh, my lovely Flora, a lily of the west. In yonder shady grove, the man of high degree, conversing with my Flora there, it seemed so strange to me. And the answer that she gave to him, it sorted me, old friends. I was betrayed by Flora. I stepped

Je vois des choses que les autres ne voient pas. Je sens des choses que les autres ne sentent pas. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.